depuis 30 piges. Je tire sur la tige, toujours clope au bec, comme des bons becs. Et oui, 30 piges, pour qu'enfin je pige, que si je continue, je vais en mourir. Alors moi je vous dis, suis pas un cloporte, j'arrête la clope. Suis pas un cloporte, j'arrête la clope. Suis pas un cloporte, j'arrête la clope. J'arrête la clope, j'arrête la clope. Maintenant je dis ciao à mon bon tabaco, on n'est plus amigo. Je veux faire de vieux os aux beaux brins de tabac. Je préfère 100 fois le beau brin de cette fille, mon unique nicotine. Alors moi je lui dis, suis pas un cloporte, j'arrête la clope. Suis pas un cloporte, j'arrête la clope. Suis pas un cloporte, j'arrête la clope. J'arrête la clope, j'arrête la clope. Satanée cigarette, il faudrait que t'arrêtes. C'est écrit sur ton front. Fumais-tu pour de bon? Quand viendra que je meurs? Ce sera sans tumeur. Le rideau tirerait sur l'écran de fumée. Alors moi je me dis, t'es pas un cloporte, arrête la clope. T'es pas un cloporte, arrête la clope. T'es pas un cloporte, arrête la clope. Arrête la clope, arrête la clope. Arrête la clope, arrête la clope.